Take the bass. Ah, je peux toujours baisser la batterie. I can decrease the volume of the drum if you clip. Depend to what you listen. Shit. Tandis quoi, Zig? Take the bass. Zig, fais-nous une belle progression d'accord, s'il te plaît. Je pense que c'est assez mieux comme ça.